Ma mère s'inquiète. Tu travailles trop, me dit-elle. Tu es comme ton père. Je travaille dur, oui. Mais je ne suis pas du tout comme mon père. Du moins, j'espère que non. Il est un peu snob, mon père. Gérant d'hôtel, ce n'est pas un bon métier, me dit-il. Combien d'argent est-ce que tu vas gagner? Pas beaucoup, pas autant que moi. Sois ingénieur comme moi. C'est aujourd'hui mardi. Je suis toujours libre le mardi après-midi. Je vais aller en ville. Ah, voilà Mademoiselle Delon. Elle est très gentille.